serait pour moi. Pour effacer la peine qui tenait que moi. Chérie, c'est vous qui fait que moi content. Même sous ta ouais, soleil pas levé. Même si la pluie pas ta jambe tombée. Parce que c'est vous qui l'essentiel pour moi. Chérie, moi pas qu'à m'expliquer, j'en t'ai transformé. Depuis joue ça, que moi toujours content. Même si toutes les étoiles t'avalent caché, même si la lune t'a suspendu briller. Même si tu souhaites au matin chanter, même si vagues l'eau m'est à demander, moi quoi c'est où même qui font rêve à moi. Pour la vie, pour gain pour nourrir l'espoir, ôter la joie, chasser la peine.